Sur cette nouvelle année, on va regarder entre autres les tech trends, donc ce qui sera tendance pour 2014 et ce qui sera à surveiller dans les technologies d'information, puisque Raymond Poirier est avec nous en studio. Allô Raymond. Bonjour Tania. Alors tu nous parles de ce qu'on devra surveiller en 2014. On va-tu parler des villes intelligentes? On va encore en parler. On en parle quand même assez régulièrement ici dans les différentes chroniques qu'on offre. Et ça sera un sujet qui risque également de revenir beaucoup l'année prochaine. Il faut dire déjà, au Québec, ça s'était quand même immiscé ça et là dans les campagnes électorales. On l'a vu, oui, à Montréal, on l'a vu un peu à Québec, on l'a vu ailleurs, à Magog notamment, à Gatineau, ça s'est parlé, ça parle un peu partout. Évidemment, c'est la même chose aussi ailleurs dans le monde. Donc, la tendance commence à s'accentuer, continue de s'accentuer, oserais-je dire plutôt. Et également, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est que certains des mécanismes, certaines des ressources, des outils vont peut-être baisser au niveau des coûts, donc seront intégrés peut-être de manière un peu plus accentuée. Et parallèlement, ben comme il y a de plus en plus de villes qui se lancent un peu là-dedans, eh ben de l'autre côté, ce qui risque d'arriver, c'est que certaines vont prêcher par l'exemple et d'autres vont emboîter le pas de manière peut-être un peu plus proactive. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça va se développer. Mais on n'aura peut-être pas le choix aussi de suivre pour ce qui est des différentes municipalités, parce que sinon l'écart va être assez grand. Si on regarde Québec versus, je sais pas, une ville au Saguenay par exemple, qui a absolument rien, même que le site web est difficile à consulter. Donc là, l'écart va vraiment se creuser. Et l'écart se creuse déjà quand même un brin, simplement en termes de qualité de connexion. En fait, ici au Québec, c'est encore un problème. Il y a certaines régions, certaines zones qui n'ont pas nécessairement la même connectivité que d'autres. Donc, il y a déjà des défis au niveau des infrastructures qui se présentent. Au niveau de l'utilisation des médiums, du potentiel des technologies, il y a d'autres types de défis également, comme tu disais, accessibilité sur le web, services, etc. Et en plus, les autres défis qui vont s'en venir, c'est au niveau du développement de la gestion de tous les systèmes, dans le fond, qu'on retrouve dans la ville, dont on parle quand même assez régulièrement. Donc, s'il y a quand même des avancées qui sont intéressantes là-dessus, eh bien, effectivement, il y a des villes qui vont peut-être réussir à trouver des solutions, alors que les problèmes vont être criants dans d'autres zones, dans d'autres régions. Évidemment, on va parler des villes, mais il y a aussi la campagne qui va être un sujet à suivre, donc la campagne connectée. Oui, en fait, c'est intéressant parce que ça fait un lien un peu, ce concept-là qui est poussé par... Parce que les top 10 que je propose, en fait, aujourd'hui, c'est poussé par Juniper Research. Donc, c'est une firme de recherche qui essaie d'identifier un peu de quoi on parle. Et eux disent, mais regardez, on a beaucoup parlé au fil de l'année et des années précédentes du commerce électronique, mais un peu plus poussé, de ce qu'on appelle le e-banking. Donc, l'idée d'avoir accès à des masses d'achats comme une boutique, un coffre-fort en ligne ou des éléments comme ça qui peuvent nous permettre de faire des achats, de gérer des commerces, de gérer des stocks, etc. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ce qu'on observe présentement dans l'Afrique subsaharienne, au niveau de l'Amérique du Sud également, dans certaines autres régions, c'est une utilisation de ce type de service-là, mais dans un contexte d'agriculture. Donc, pour pouvoir gérer les stocks, faire les calculs, faire les opérations, faire les commandes en gros également. Alors, subitement, ben, y a un potentiel ajouté à ce e-banking-là qui vient d'entrer dans la sphère agricole. Donc ça, c'est pour l'agriculture, mais il y a les vêtements et les accessoires intelligents aussi qui seront à surveiller. Accessoires intelligents, OK. Vêtements, c'est assez intéressant. En fait, pour l'instant, quand on parle d'accessoires, par exemple, on peut porter un petit objet qui va prendre notre pouls. On va en reparler d'ailleurs un peu plus loin dans les tendances 2014. Vêtements intelligents, mais c'est que dans le fond, on n'aura plus besoin nécessairement de porter un élément pour faire le compte de nos signes vitaux. Ça sera fait directement sur le vêtement. On n'aura plus nécessairement besoin non plus d'avoir un chargeur pour notre iPhone. Ce sera peut-être notre vêtement qui va se charger à même la chaleur corporelle ou à même la poche, lumière. Etc. Peut-être que ça va être des vêtements aussi qui vont être capables d'identifier les formes du corps, les formes de la peau et de s'adapter au corps de manière un peu plus adéquate. Donc, il y a beaucoup de recherches qui est faite actuellement là-dessus. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ce que je suis en train de décrire. On y voit plus avec quelques idées en bref, mais ça risque d'être assez intéressant là, sur ce champ-là. On ne devrait pas essayer d'enrayer le cancer à la place, mais en tout cas... On le fait aussi. Mais il me semble que, OK, se charger à même la poche, là, mais ça m'intéresse. Mais bon, tablette tactile en éducation. On a vu dans les dernières années, en fait, l'idée du bring around device. Donc, au travail, je pense un peu incontournable. Si on a un téléphone intelligent, on va vouloir l'utiliser, donc, pour faire notre boulot. Il y a eu une explosion, évidemment, des téléphones intelligents, ce qui a amené les entreprises, les organismes, les institutions à essayer essayer de trouver des manières de les intégrer. Donc, ça s'est beaucoup fait dans l'entreprise et ce qu'observe Juniper Research, c'est que pour l'instant, au niveau de l'enseignement, il y a encore certains retards parce que, évidemment, comme les travailleurs veulent intégrer leur iPhone et leur tablette, mais les étudiants veulent aussi pouvoir les utiliser. C'est sûr. Et évidemment, en termes d'outils d'enseignement, il y a peut-être une question d'envergure d'espace disponible qui rend la tablette peut-être un peu plus intéressante. Donc, c'est ce qui risque de se faire développer, donc un peu à la demande des étudiants qui veulent utiliser ces outils-là dans la classe. Dans le secteur de l'entraînement physique aussi. Et là, on fait le pont avec les objets connectés. Et on en a déjà parlé un peu aussi, parce que là-dessus, je pense que les auditeurs réguliers vont reconnaître qu'on a parlé en 2013 des sujets 2014, en évitant, évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas trop de redites avec l'année prochaine. Le mobile fitness, donc l'idée, on le disait tout à l'heure, c'est de porter, par exemple, des petits appareils qui peuvent calculer notre degré de cardiovasculaire, le nombre de calories qu'on a peut-être utilisé, le nombre de pas qu'on a marché, etc., etc. Et ça rentre un peu dans la théorie du soi quantifié. Donc, l'idée qu'on prend ces données-là et ensuite qu'on les stocke à quelque part. Donc, on les envoie, c'est connecté. Donc, on les envoie sur Internet. Et là, toi, Tania Beaumont, exemple, tu peux voir que à chaque jour, en moyenne, tu fais, mettons, 12 000 pas. Et tu dépenses X nombre de calories. Et là, subitement, tu vas voir, mettons, dans ta tendance, que subitement, tu commences à en marcher moins, que subitement, tu commences à en marcher plus, mais ça va amener à avoir un questionnement sur quel changement a été amené dans tes habitudes de vie si tu n'avais pas remarqué. Donc ça, c'est quand même intéressant individuellement, mais si on pousse ça globalement, eh ben subitement, toi, tu te retrouves avec tes exercices de perte de calories dans un groupe de gens qui font les mêmes exercices, et là, tu peux voir si tu es en dessus, en deçà de la tendance moyenne, etc. Donc, c'est vraiment toute la notion du soi quantifié, c'est vraiment la mise en forme, donc l'industrie de la mise en forme qui va risque en premier de récupérer ça. Et ce que Juniper dit dans son rapport, c'est que ça risque d'être peut-être le premier pas vers une récupération plus large de ce type de concept. Ah, ce sera vraiment intéressant à surveiller. Évidemment, les téléphones intelligents, on parle souvent de 3G. Là, on est rendu au 4G, il y a du LTE. On va être rendu où, là, en 2014? En fait, 2014, ce qu'on dit, c'est que ça va être le 4G qui risque de commencer à dominer un peu plus. Il y a déjà des abonnements qui sont faits en 2013 au 4G. Ça sera accentué en 2014. Et on dit également que le 5G s'en vient. Ah, ça va être mêlant, là, déjà qu'on dit « Ah, ouais, je suis sur mon 3G. » En tout cas, technologie mobile et services géolocalisés. Et ça, c'est un peu l'extension. En fait, tout le monde tout le monde qui a un téléphone intelligent utilise ce téléphone-là bien souvent en se déplaçant. On n'utilise pas ça exactement au même endroit. Et donc, en se déplaçant, on n'a pas exactement les mêmes besoins. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on risque d'observer en 2014, c'est justement des gens qui vont essayer d'identifier quel type de besoin on a quand on est en lieu précis. Donc, si au niveau publicitaire, par exemple. Donc, si moi, je me trouve, par exemple, dans le centre-ville de Québec, eh bien, les publicités qui sont intégrées, par exemple, dans Facebook, bien, devraient prendre en compte le lieu où je me trouve également et non seulement les réseaux d'amis que j'ai. Et donc, on pourrait m'annoncer des restaurants à quelques pas d'où je suis sur Twitter, sur Facebook, donc dans des publicités comme ça qui seraient liées à une situation géographique. Évidemment, il y a une utilité publicitaire évidente, mais il y a d'autres utilités aussi qui sont explorées. Ben, ça me plaît, ça, quand même, comme concept, parce que ça peut être pratique. Si on a faim, on se demande qu'est-ce qu'il y a, mais publicité qui nous le dit, évidemment, il faut se la payer, mais ça reste quand même très intéressant. Noël s'en vient, mais pour Noël 2014, j'imagine qu'il y aura des nouvelles consoles de jeux à surveiller. Et des nouvelles manières de jouer. Même, en fait, Juniper Research va un peu plus loin. Donc, évidemment, il y a le Xbox One, le PS4 qui a été lancé cette année. Et c'est pas des modifications en fait qui en 2014 qu'on attend dans la trame générale de l'industrie du jeu. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il risque d'avoir de nouvelles manières de jouer qui vont apparaître, qui vont peut-être aller chercher des nouveaux joueurs en fait. On donne l'exemple d'une application en fait qui est basée sur Android qui s'appelle Ouya. Donc, Ouya. C'est une micro-console qui a été financée par Kickstarter, je crois. Et ils ont réussi à aller chercher 904% de leur objectif. Donc, c'est quand même pas rien. Wow. Et donc, ils ont sous-financé comme ça une micro-console de jeu. Donc, essentiellement, c'est une console qui se retrouve dans un appareil informatique, donc dans ce cas-ci, ben téléphone, tablette et autres, et donc dans laquelle, ben ensuite, on peut aller acheter des jeux pour jouer. Donc avec cet outil-là, avec cette console-là, donc c'est une console dématérialisée entre guillemets. Évidemment, on parle quand même de jeux à petite échelle. Ça viendra pas nécessairement concurrencer le marché des applications. Ça viendra pas nécessairement concurrencer le marché des consoles traditionnelles ou du PC, du Mac. Mais par contre, ça risque peut-être de développer un nouveau marché. Est-ce qu'on va parler de cloud, comment? Nuage? L'info nuagique. Info, oui, mon Dieu. On continue à en parler, mais dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a surtout parlé d'un point de vue entreprise, d'un point de vue organisationnel. Donc, de dire, OK, on délocalise les fichiers de l'organisation pour sauver des coûts en espace, en énergie, etc., etc. Et ce qui risque maintenant d'arriver, c'est que l'industrie individuelle, donc le marché des individus, risque maintenant de passer tranquillement vers le cloud, où on va se commencer à se questionner sur le pourquoi on traîne nos clés USB, sur le pourquoi on traîne nos disques durs externes quand on pourrait stocker tout ça dans le nuage. Et donc, on risque de faire ce saut-là, ou du moins la publicité va nous inciter fortement à le faire. Et en terminant, mon sujet préféré, l'impression 3D. Ça s'en vient. C'est déjà là. Ça existe déjà. Oui. On s'entend. On en a déjà parlé également ici. Mais par contre, ce qui en ressortait, c'est que pour l'instant, c'était pas pratique au niveau des coûts. Donc, tranquillement, il y a de plus en plus de demandes. Tranquillement, il y a des usages qui commencent à émerger. Et évidemment, la recherche va amener peut-être aussi au développement de modèles un peu plus économiques, un peu plus abordables. Donc, une fois que ces modèles abordables-là vont être mis en marché, ben là, il risque d'avoir une cavalcade d'éléments qui seront offerts. Alors, ce sera à surveiller. Peut-être verrons-nous ces modèles-là, qui sait, en 2014. Ça me fait un peu peur, par exemple, l'impression 3D, je dois en parler. Donc, c'est ce qu'on va discuter dans les prochaines semaines, du moins à partir de janvier prochain. On se retrouve le 6 janvier, Raymond Poirier. Sans faute. Et d'ici là, ben, on peut réécouter les chroniques qu'on a fait au fil de 2013 sur itis.ulaval.ca. Je suis certaine qu'il y a des gens qui, pour le 23 et le 30, vont aller s'écouter une chronique aux alentours de 17h10 pour garder l'habitude. Merci beaucoup, Raymond. À l'année prochaine.